Supporter, toujours supporter. Oh, cela use. Être sans cesse dans les mains des hommes. Avoir régné près de 35 ans et encore ligoté. Doña Inés, Don Alvar Gonsalves, qui m'éclaire souvent de ses conseils. Mais peut-être le connaissez-vous déjà. Si j'avais rencontré Doña Inés, je n'aurais pu l'oublier. Et moi, Don Alvar, si je vous ai rencontré, je l'ai oublié. Mais cette rencontre-ci, soyez assurée que je ne l'oublierai pas. Je vous supplie, madame, de me garder vos bontés. Tout juste autant que vous me garderez les vôtres. Revenez me voir demain matin. Mais sans illusion, car il n'y a rien à faire, rien, rien.